me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Pourquoi les premières aiguilles à chat qui ont permis la couture de vêtements complexes est-elle sans doute une des inventions les plus importantes de l'humanité, demande le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Comment nos corps s'adaptent-ils au froid ? Pourquoi la notion de surface d'échange est-elle importante dans la thermorégulation ? Et pourquoi parle-t-on de proportions physiques hyper-arctiques à propos des Néandertaliens sans vivre dans un climat arctique ? Comment l'invention de moyens techniques à côté des adaptations biologiques a-t-elle permis aux hommes de vivre au-delà de certaines latitudes ? Comment dater l'invention des vêtements ? Et y a-t-il eu plusieurs apparitions des vêtements chez plusieurs formes humaines, de Néandertal à Homo sapiens ? Dans une interview donnée au magazine Science et Avenir en 2008, Jean-Jacques Hublin rappelait qu'il y a eu un buissonnement d'espèces humaines avant l'apparition d'Homo sapiens, il y a environ 200 000 ans et 150 000 en Afrique. Mais notre espèce s'est répandue dans le monde, voici environ 50 000 ans, avec une efficacité nouvelle, exploitant son environnement de façon inégalée. Il est intéressant de replacer notre histoire actuelle dans cette continuité préhistorique. Jean-Jacques Hublin, professeur à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire à Leipzig en Allemagne, professeur invité titulaire de la chaire internationale de paléanthropologie au Collège de France, propose d'analyser les stratégies des espèces animales pour extraire de l'énergie et l'allouer à différentes grandes fonctions, grandir, se reproduire, se réparer, s'adapter à la chaleur ou au froid, et à différents organes ou tissus, le cerveau, le tube digestif, la peau, dans le cadre de sa série de cours intitulée « Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine ». À la lumière des dernières découvertes qui mêlent approches biologiques, chimiques, génétiques, statistiques et anthropologiques, et en reprenant les débats contradictoires, il nous présente depuis le début de sa série les étroites interactions entre le culturel et le biologique dans l'évolution humaine. Depuis le cours précédent, il s'est attaché à la singularité de la thermorégulation chez les hominines. Après l'adaptation à la chaleur, il analyse longuement comment les hommes se sont adaptés au froid et comment ces évolutions ont permis la conquête de la planète entière. Et nous gagnons le Collège de France le 21 novembre 2017 pour le cours de Jean-Jacques Hublin. Aujourd'hui, la thermorégulation, s'adapter au froid. Dans ces problèmes de refroidissement du corps, c'est la surface du corps qui échange de la chaleur avec, enfin de l'énergie avec l'environnement, transpiration ou pas d'ailleurs. Hein. Et donc cette notion de surface d'échange, c'est une notion très importante parce que vous comprenez assez facilement que la taille et la forme de l'organisme vont être prépondérantes dans la possibilité de créer ces échanges thermiques. Alors, il y a d'abord un effet de taille qui est assez simple. Si vous prenez un petit cube et que vous augmentez son arête d'un facteur 3 pour créer un cube beaucoup plus gros, eh bien la taille de l'arête du cube va donc augmenter d'un facteur 3 et le volume du cube va lui augmenter d'un facteur 27. Ce qui veut dire que le rapport entre la surface du cube et le volume du cube est beaucoup plus important sur un petit cube que sur un gros cube. Et quand on parle d'organisme, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'un petit organisme comme, parlons de mammifères, une souris ou une musaraigne, a des échanges thermiques avec l'environnement par la surface de son corps, qui sont des échanges beaucoup plus rapides et beaucoup plus importants qu'une très grosse bête comme un éléphant, par exemple. Et ce qui veut dire que les tout petits animaux sont beaucoup plus susceptibles que les gros animaux de perdre une quantité de chaleur qui peut être critique pour leur survie. Et d'ailleurs, ça explique que les petits animaux dont je parle, les souris, les musaraignes, etc., sont des animaux qui mangent un petit peu tout le temps et qui, dans le fond, si on les prive de nourriture et si on les met à une température qui est un petit peu basse, vont dépérir et mourir assez rapidement, alors que les très grosses bêtes, dans le fond, ont beaucoup plus de chances de résister à ce stress thermique. Et cela, ça se traduit chez les mammifères par quelque chose qu'on appelle la règle de Bergman. Alors, Bergman, c'était un anatomiste allemand du 19e siècle, comme il y en a eu beaucoup au 19e siècle, des anatomistes allemands. Celui-là a vécu entre 1814 et 1865. Alors, c'est pas vraiment lui qui a inventé ça, parce que ça avait déjà été observé avant, mais disons qu'il l'a mis en forme, cette règle de Bergman. Et l'idée est simple. Quand on regarde une famille de mammifères quelconques, alors ici ce sont les ours, mais c'est vrai pour à peu près n'importe quoi, les tigres, les lapins, les renards, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, lorsque l'on se déplace en latitude, on va observer d'une façon générale une augmentation de la masse corporelle de plus en plus grande quand on va vers les hautes latitudes. Et c'est une adaptation, alors non pas à la chaleur, mais au froid. C'est-à-dire que dans le fond, c'est plus avantageux quand on est dans un climat chaud d'avoir une taille relativement réduite parce que le rapport surface-volume est très important. Donc le métabolisme, évidemment, lui, il dépend du volume. La quantité de chaleur produite par l'organisme, ça dépend essentiellement du volume. Et donc, le refroidissement va être très important si on a une taille, je dirais, raisonnable, comme c'est le cas de ce petit ours de Malaisie. Et puis, quand on monte en latitude, voilà des ours noirs, voilà des ours bruns, un grizzly, un ours blanc. Pour la bonne bouche, je vous ai mis derrière un ours qui, heureusement, a disparu. Qui est un ours pléistocène d'Amérique du Nord, qui est un des plus gros ours qui ait jamais existé. Vous voyez à côté d'un ours polaire, l'ours polaire qui est quand même un animal considérable, il le domine très très largement en taille. Et donc on observe cette augmentation de la masse corporelle chez de nombreux mammifères. Et donc la question, ça va être de savoir qu'est-ce qui se passe avec les hommes. Est-ce qu'on observe la même chose à cause du même phénomène ? Alors, il n'y a pas seulement un problème de taille, comme je vous le disais, il y a aussi un problème de forme. Pourquoi ? Eh bien, parce que je reprends mes cubes. Alors, maintenant, c'est un cube avec une arête d'une valeur 2. Alors, c'était 3, mais ça change pas grand-chose. Vous voyez que, en fonction de la façon dont on dispose ces petits cubes, en les empilant les uns sur les autres, soit en gardant une forme très cubique, très massive, soit au contraire en les empilant sur une seule épaisseur de cube, on va obtenir un rapport surface-volume, encore une fois, qui va être très différent. Donc le rapport surface-volume est beaucoup plus important sur une forme comme celle-là, à peu près, exactement 1,75 fois plus grand que sur une forme très massive. Et on peut décomposer le corps humain, alors non pas en cubes, mais en cylindres, ou en formes géométriques qui sont faciles à mesurer. Et vous comprenez bien que ces échanges de chaleur vont être différents en fonction de, non seulement de la taille, mais aussi de la forme de ces différents segments du corps humain. Et donc, de la même façon qu'on a, au XIXe siècle, énoncé cette loi de Bergman, il y en a une autre de loi qui est la loi de Allen, qui s'ajoute à la loi de Bergman. Et cette loi de cette règle de Allen, c'est une règle qui observe que quand on change de latitude à taille égale, alors en fait c'est pas à taille égale puisqu'on a vu que les animaux étaient de plus en plus gros quand on montait en latitude, eh bien la forme du corps change et plus on est dans des climats chauds et plus les extrémités vont tendance à être allongées. Alors les extrémités sont les membres, sont les oreilles, la queue, etc. Et au contraire, quand on monte en latitude, eh bien on a des formes de plus en plus massives. Alors vous pouvez, ici c'est un exemple de l'époridée, mais on aurait pu prendre par exemple les renards. Donc le renard polaire, c'est un renard qui est d'abord qui est un assez gros renard, et puis surtout c'est un renard qui a des petites oreilles très courtes, une queue courte, des pattes assez courtes et qui a un corps très massif. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen de conserver la chaleur. Par contre, le renard roux de nos communs, de nos zones tempérées, il est déjà beaucoup plus élancé dans ses formes. Puis quand on va en Afrique, eh bien, le fennec, alors c'est pas vraiment un renard, mais c'est une forme proche du renard, eh bien, c'est un animal qui est plus petit et qui a des grandes oreilles et des formes plus longilignes. Vous allez voir que c'est un phénomène qui affecte aussi les hommes. Alors on a essayé de modéliser ces changements de la forme du corps humain en fonction de l'environnement. Et un des modèles les plus simples qui a été proposé par un chercheur américain qui s'appelle Christopher Ruff au début des années 90. Et Ruff a proposé un modèle qui est très très simple, qui est un modèle en cylindre, avec l'idée que si on imagine le corps humain comme un cylindre, c'est évidemment quelque chose de très très simplifié, avec comme largeur, en gros la largeur biacromiale, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre les deux articulations du fémur et de la hanche, et puis en hauteur, la hauteur du corps, eh bien, on se rend compte que le rapport entre la surface et le volume ne change pas si on accroît la hauteur du cylindre à diamètre égal. On reste toujours avec à peu près le même rapport surface-volume. Et l'idée de Ruff, c'est que quand il s'agit d'hominines, eh bien, dans le fond, ces hominines qui vivent dans une zone éco-géographique particulière, par exemple dans l'Afrique tropicale, eh bien, on va avoir des changements de stature, mais en gardant un format relativement étroit. Donc les changements de stature n'affectent pas tellement les capacités de refroidissement du corps. Par contre, quand on monte en latitude, eh bien, le moyen le plus facile de réduire, puisque à ce moment-là, c'est ce qui est nécessaire, le rapport surface-volume, eh bien, c'est d'augmenter la largeur de ce cylindre et donc d'augmenter la largeur du bassin. Il a essayé de valider ce modèle, en particulier en comparant la surface de ces cylindres avec une surface de peau. Alors, ce n'est pas la surface de peau réelle, mais c'est une surface qu'il calculait avec une formule très compliquée qui prend en compte tout un tas de mesures anatomiques. Et donc, il a montré qu'en gros, le modèle cylindre répond assez bien à ce que nous dit la réalité des mesures de surface de peau dans des populations qui s'échelonnent sur différentes latitudes aujourd'hui. Alors, ce qui l'a beaucoup motivé dans ce raisonnement, c'est le fait qu'il a été impliqué dans la description de ce fameux Homo erectus que je vous ai déjà montré une bonne douzaine de fois, et qui est très différent dans sa silhouette des australopithèques qui ont précédé. Et voilà ici un squelette de Lucie, enfin en tout cas c'était l'idée qu'on s'en faisait en 1991, agrandi à la taille d'un Homo erectus. Et vous voyez que en termes de cylindre, si je peux dire, on n'a pas du tout les mêmes proportions. Ici on a affaire à un cylindre beaucoup plus trapu et là un cylindre beaucoup plus allongé. Donc l'idée, c'est en gros que les hominines qui vivent dans les zones tropicales sont des hominines, et de façon ancienne, avec des bassins assez étroit, et puis qui peut avoir des statures variables, plus ou moins grandes, mais toujours un format assez étroit, et puis qu'on va trouver dans les moyennes latitudes, plus tard, quand les hommes vont sortir d'Afrique, eh bien, des formes plus larges, avec en particulier des bassins beaucoup plus étendus sur le plan transversal. Alors, pour les Australopithèques, là, ce n'est pas le problème, puisque eux, ils ne courent pas derrière les antilopes pour les attraper. Alors, on a aujourd'hui on a revisité la reconstruction du bassin de cet individu de Nariokotome, d'un 1,5 million au Kenya, et on a tendance aujourd'hui à considérer qu'il a un bassin un peu plus large que ce que Ruff avait reconstitué dans les années 90. Mais cette idée qu'il y a un changement assez important de la forme du corps humain en termes d'adaptation climatique, c'est quelque chose qui a été vérifié par de nombreuses études. Et on peut, en plus de cette simple mesure de largeur et de hauteur du corps, on peut introduire de nombreux autres paramètres, en particulier des paramètres qui tiennent aux proportions des membres, c'est-à-dire la longueur des membres par rapport au tronc, et puis aussi la longueur des différents segments des membres, en particulier le rapport entre les segments distaux, les extrémités, et puis les segments proximaux des membres, c'est-à-dire le rapport, par exemple, de l'avant-bras sur le bras ou de la jambe sur la cuisse. Et on peut combiner toutes ces mesures dans des analyses qui sont des analyses multivariées, des analyses en composantes principales. En voilà une qui a été faite par un collègue américain qui s'appelle Trenton Holliday. Et donc Trenton Holliday a pris toute une série de populations qui sont des populations vivantes actuelles pour montrer qu'en fait, eh bien, en particulier le long de cette première coordonnée principale, eh bien, les populations actuelles se rangent d'une façon qui est relativement logique en fonction de la latitude à laquelle ces populations vivent. Alors, on part avec des populations qui sont des populations est-africaines, les Maasai, vous avez tous vu un Maasai très grand, très élancé, avec des membres très longs, des habitants d'Afrique de l'Ouest, le Soudan, etc. Et puis, on arrive à des populations européennes. Alors, je ne l'ai pas encore représenté, mais vous allez le voir dans quelques diapos, les Inuits, les gens qui sont exposés à des climats extrêmes, eh bien, se trouvent complètement à gauche de cette distribution, très au-delà des Français, des Bosniaques ou des Anglais. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des populations qui ont, en général, des individus avec des troncs assez massifs, assez larges, et des extrémités qui sont, enfin, disons, des membres qui sont plutôt courts par rapport au tronc, et aussi des proportions de ces membres avec des extrémités discales qui sont réduites par rapport aux extrémités proximales. Alors, sur le plan plus paléontologique, paléanthropologique, qu'est-ce que tout ça donne ? Bien d'abord, on parle toujours de cette sortie d'Afrique il y a 2 millions d'années, un petit peu moins, 1,8 million, 1,9 million, et de la colonisation de l'Eurasie par les hominines, enfin en tout cas par ces Homo erectus. Alors d'abord, je vous rappelle que pendant très longtemps, les hommes vont rester quand même cantonnés dans des latitudes très basses de l'Eurasie. C'est-à-dire que ces premiers peuplements de l'Eurasie se trouvent tous en dessous de 40 degrés de latitude nord, ce qui est quand même pas très élevé en latitude. Et ces gisements chinois, le site de Dman ici, sur le flanc sud du Caucase, des sites espagnols ou italiens, sont tous le long de ce 40e parallèle. Et ça n'est que, disons, à partir un peu après 1 million d'années, donc il faut quand même attendre assez longtemps, qu'on commence en Europe à trouver des sites qui se trouvent plus haut en latitude. On a un site qui est dans le Norfolk, en Angleterre, et qui est le site à Pittsburgh. Et ce site, c'est un site qui a été occupé par les hommes peut-être autour de 900 000 ans, probablement à l'occasion d'ailleurs d'un épisode climatique qui était un épisode relativement favorable. Et dans le fond, c'est intéressant que ces peuplements anciens de l'Europe, ils se placent soit dans la zone méditerranéenne, soit le long de la façade atlantique. Dans le fond, dans les zones continentales, c'est seulement beaucoup plus tard qu'on va commencer à trouver des sites. Alors, il y a régulièrement dans la littérature des publications à propos de sites européens qui ont des âges extravagants, à 1 million d'années ou plus. Il y en a un qui fait en ce moment l'actualité paléo-anthropologique, qui s'appelle le site de Untermaßfeld en Allemagne, et qui a été donné comme un site prouvant l'occupation humaine en Allemagne vers 1 million d'années, et qui en fait est un faux site. Enfin, c'est un vrai site paléontologique, mais en tout cas, la présence d'hominines n'est pas du tout démontrée dans ce site. Alors, c'est seulement à partir du milieu du Pléistocène moyen, donc disons 500 000 à la louche, hein, qu'on va commencer à trouver des sites dans les zones continentales de l'Europe. Et cette carte, c'est une carte que vous avez peut-être déjà vue, qui est la carte de distribution des sites où on a trouvé des Néandertaliens. Alors, les Néandertaliens les plus anciens, ils ont un peu plus de 400 000 ans, ici en Espagne. Et tous ces autres sites sont des sites beaucoup plus récents. Ces Néandertaliens, pour l'instant, en Europe, on n'en a jamais trouvé qui soit plus au nord que le 52e parallèle de latitude nord. Donc, évidemment, c'est plus au nord que l'Espagne, mais ça reste quand même une latitude relativement basse, si je peux dire. On a des Néandertaliens, à la fin de leur évolution, qui arrivent jusque dans l'Altaï, ici, probablement, toujours pareil, à l'occasion d'épisodes climatiques favorables. Alors, cette colonisation des moyennes latitudes par les hommes, elle ne peut se faire que grâce à un certain nombre d'adaptations biologiques et puis surtout de changements comportementaux. Et vous vous souvenez peut-être que c'est vers 400 000 ans qu'on commence à voir apparaître en Europe des sites où il y a une utilisation régulière du feu, alors qu'avant, on n'en avait guère. D'ailleurs, on n'est pas très sûr que, en tout cas au début, le feu, ça soit si important que ça du point de vue de du chauffage. Peut-être que ce sont d'autres utilisations du feu qui sont beaucoup plus importantes pour les hommes. On va revenir à ces changements techniques, ces changements comportementaux, mais on va refaire un petit peu de biologie. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on a parlé beaucoup de l'adaptation des hommes à la chaleur. Parlons un petit peu de l'adaptation au froid. Hein. Je vous ai parlé de cette graisse brune. Alors donc, cette graisse brune, c'est une graisse qui, comme son nom l'indique, est brune. Alors pourquoi est-ce qu'elle est brune? Eh bien, parce qu'elle contient beaucoup de mitochondries, ces petites organites cellulaires qui nous ont beaucoup intéressés parce qu'on fait de la génétique des mitochondries, on extrait de l'ADN des mitochondries. On a beaucoup parlé de l'ADN mitochondrial et de comment on pouvait l'utiliser pour reconstituer des phylogénies, mais évidemment, les mitochondries ne sont pas sur Terre juste pour faire plaisir aux généticiens. En fait, ce sont des organites cellulaires qui ont un rôle dans la production d'énergie par les cellules. Et donc, cette graisse brune contient énormément de mitochondries, beaucoup plus que la graisse blanche. Et aussi, elle est très riche en fer. Et donc, ces mitochondries, eh bien, elles sont capables de dissiper de la chaleur selon un processus qu'on appelle la thermogénèse, en brûlant, si je peux dire, cette graisse. Et cette graisse brune, c'est quelque chose qui est très important, surtout au début de notre vie. Donc la graisse brune peut représenter jusqu'à à peu près 5% de la masse corporelle d'un nouveau-né, donc c'est quelque chose d'important. Et cette graisse brune, vous voyez, elle est répartie le long du dos, sur les épaules, sur l'avant du tronc. Et c'est quelque chose qui va diminuer beaucoup chez l'adulte. On en a toujours, je vous en montrerai dans un instant. Mais chez le nouveau-né, le fait de posséder de la graisse brune, c'est quelque chose d'essentiel pour des tas de raisons, parce que le nouveau-né n'a pas, enfin, et même le très jeune enfant, n'a pas les mêmes capacités que l'adulte pour résister au stress thermique, en particulier au refroidissement. D'abord, il a, souvenez, cette histoire de masse et de rapport surface-volume. Alors les nouveau-nés, aux questions surface-volume par rapport aux adultes, sont très handicapés, donc ils se refroidissent comme les petites souris, pas aussi vite, mais quand même beaucoup plus vite que les adultes. Donc c'est très important pour eux d'avoir cette graisse brune. Et puis ensuite, ils ont un système nerveux dont la maturation n'est pas encore très avancée. Et en particulier, ils n'ont pas le réflexe de frissonner comme les adultes. Puis en plus, ils ont une masse musculaire qui est beaucoup plus réduite. Et donc, c'est très important pour les nouveau-nés d'avoir cette fameuse graisse brune. Alors la graisse brune, on en trouve encore chez l'adulte. Si vous êtes un lecteur de magazines qui recommande des méthodes pour maigrir, vous avez sûrement entendu parler de comment utiliser la graisse brune pour brûler de la graisse blanche. Donc voilà des scanners qui vous montrent où se situent ces petits amas de graisse brune dans le corps d'une femme adulte. Donc il en reste un petit peu, mais cette quantité de graisse brune, semble-t-il, varie beaucoup d'une population à une autre. Et très récemment, ça date de 2017, il y a une étude qui a été faite pour la première fois sur le génome des Inuits du Groenland, une étude très très en détail. Et ce qui est vraiment très intéressant dans cette étude, c'est que les chercheurs ont essayé de mettre en évidence quelles étaient les parties du génome qui avaient été récemment soumises à une pression de sélection importante, une sélection positive. Et il y a une région du génome qui a été soumise à cette sélection positive de façon très intense. C'est une région qui comprend deux gènes, l'un qui s'appelle TBX15 et l'autre WARS2. C'est comme ça. Et ces deux gènes sont des gènes qui interviennent, comme presque tous les gènes, dans de nombreuses fonctions, de nombreux aspects de la biologie, mais en particulier, ils interviennent dans la production de cette graisse brune dont on parle depuis un petit moment. Et donc, ces hommes qui vivent dans des régions arctiques, eh bien, en plus de tout l'équipement, j'allais dire, technique qu'ils ont développé pour s'adapter à ces zones arctiques, ont une biologie particulière des lipides et en particulier de cette répartition entre graisse blanche et graisse brune. Et ce qui est vraiment passionnant dans cette étude de Racimo et collaborateurs, c'est qu'ils ont pu montrer qu'en fait, ces mutations dont la fréquence est très élevée chez ces Inuits du Groenland, eh bien, ces mutations, elles ont probablement été héritées, si je peux dire, à la suite d'une introgression à partir de matériel génétique des Denisoviens. Parce que la séquence de cette partie du génome chez ces Inuits est très proche de ce qu'on trouve chez ces Denisoviens. Alors les Denisoviens, pour ceux qui n'étaient pas là il y a deux ans, c'est le groupe frère des Néandertaliens. C'est un groupe qui a évolué en Eurasie, depuis au moins 500 000 d'années, quelque chose comme ça. Donc c'est le groupe frère des Néandertaliens. Ils se sont séparés, une branche asiatique, une branche européenne. Et on les a découverts dans l'Altaï pour la première fois. On ne sait pas trop quelle est leur distribution géographique d'origine, probablement une grande partie de l'Asie. Mais il semble bien que les hommes modernes sortis d'Afrique, avec leur génome de créatures tropicales, eh bien, dans le fond, ont été bien contents de trouver sur leur chemin quelques Denisoviens pour échanger quelques gènes avec eux. Et en échangeant ces quelques gènes avec eux, eh bien, ils ont récupéré, si je peux dire, ces gènes, en tout cas ces allèles de ces gènes-là, c'est les versions denisoviennes de ces gènes, qui ont représenté un énorme avantage quand il s'est agi de conquérir eh bien, les zones les plus froides de l'Asie et de passer en Amérique. Et d'ailleurs, en Amérique, on trouve une fréquence élevée de ces mutations. Mais vous voyez que le Groenland, là, c'est 100% de la population qui a cette version des gènes qui probablement favorisent cette production de graisse brune. Le Collège de France et France Culture vous présente le paléanthropologue Jean-Jacques Hublin. Aujourd'hui, la thermorégulation, s'adapter au froid. Alors revenons-en à l'Europe et à nos Néandertaliens, donc qui eux aussi doivent s'adapter à des milieux qui sont des milieux relativement frais, sinon très froids. Alors on a tendance souvent à décrire les Néandertaliens comme des hommes adaptés à des climats glaciaires. En réalité, on n'a pas de sites moustériens laissés par les Néandertaliens dans des climats qui sont des climats réellement périglaciaires. Sont généralement des climats plus froids que l'actuel, pas toujours, parfois aussi des climats tempérés, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, ils ne dépassent pas 52 degrés de latitude nord. Alors, avec les Néandertaliens, on voit eh bien, une application de cette fameuse loi de Bergman dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des hommes qui ont des masses corporelles qui sont très importantes. Donc je pense que si un Néandertalien mâle rentrait dans la salle, vous le remarqueriez probablement, parce qu'on a quand même, on parle de gens qui font autour de 80 kg de masse maigre. Hein. Donc on ne parle pas de graisse et tout ça, on parle de muscles, d'os et d'organes vitaux. Donc probablement des individus, pour certains, plutôt autour de 100 kg, quand ils sont bien nourris. En même temps que cette masse, alors donc cette masse corporelle, évidemment, elle demande une grande consommation d'énergie. On a déjà parlé du fait que les hommes, c'était des primates qui avaient un métabolisme très élevé. Ils ont aussi une dépense énergétique quotidienne qui est très élevée. Donc au total, ils extraient beaucoup d'énergie, ils en consomment beaucoup. Pour mémoire, je vous remontre des chiffres sur des estimations de cette consommation énergétique quotidienne de Néandertaliens, donc qui se fondent sur, dans le fond, l'extrapolation à propos de populations actuelles à des masses corporelles, qui sont des masses corporelles élevées, et à des climats qui sont des climats relativement froids. Et vous voyez qu'on a, pour les hommes en tout cas, des consommations d'énergie qui tournent autour de 5000 kilocalories par jour. Donc 5000 kilocalories, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose vraiment, mais un coureur du Tour de France qui court 180 km par jour sur sa bicyclette consomme entre 5000 et 7000 kilocalories. Donc pour les Néandertaliens, en tout cas certains d'entre eux, c'est le Tour de France tous les jours. Hein. Donc c'est quand même assez important. On peut comparer ces chiffres à la consommation énergétique de population actuelle. Et vous voyez que donc tous ces points de couleur représentent des populations tropicales. Et puis plus on va vers des latitudes élevées, ce sont en bas des femmes, ici des hommes, qui vivent dans des climats arctiques. Et nos Néandertaliens, nos néandertaliens mâles, ils sont ici encore plus haut que ces chasseurs arctiques modernes. Du point de vue de la forme corporelle, eh bien, on trouve dans le fond ce qu'on attend, hein, c'est-à-dire qu'ils ont une masse corporelle très importante, règle de Bergman, mais ils ont aussi une forme du corps qui est tout à fait différente de celle des populations tropicales. Alors, je vous ai promis de vous montrer les Inuits sur ce schéma. En fait, j'ai pas d'Inuit, mais j'ai un Néandertalien qui vivait dans le sud-ouest de la France, et il est au-delà de toutes les mesures recueillies par Trenton Holliday en 97 pour différentes populations européennes et africaines. Et donc, les Néandertaliens ont des proportions corporelles qu'on dit être hyper-arctiques. C'est-à-dire qu'ils ont ce raccourcissement important des extrémités distales des membres, et puis cette grande robustesse du tronc par rapport aux membres et à la longueur des membres. Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de proportions corporelles hyper-arctiques, ça ne veut pas dire que les Néandertaliens vivaient dans des climats hyper-arctiques, ou même dans des climats arctiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que gardez en tête quand même que l'adaptation au climat, c'est une adaptation biologique, la forme du corps, la masse, la graisse brune, la transpiration, etc., etc. Mais c'est aussi et surtout une adaptation technique, une adaptation à travers des vêtements, des habitats, des moyens de se chauffer. Et donc, en fait, ce que l'on pense, c'est que, dans le fond, ce que l'on observe aujourd'hui entre l'équateur et les pôles, si on voyage dans le passé et qu'on retourne à la fin du Pléistocène moyen ou au début du Pléistocène supérieur, eh bien, on va trouver à peu près la même gamme de variations en termes de format corporel répartis entre les moyennes latitudes, disons 50 degrés, et puis l'équateur, tout simplement parce que les hommes n'ont pas les moyens techniques d'aller vivre au-delà de cette limite, et que quand on est exposé à un climat frais, surtout s'il est humide, surtout s'il pleut, eh bien, si l'on n'a pas de moyens de se protéger du froid, de la température, de l'humidité, eh bien, la réponse biologique va être beaucoup plus forte. Et donc, on a un résultat qui donne ces Néandertaliens de Corrèze avec des proportions corporelles qui sont au-delà de ce qu'on trouve chez des Inuits du Groenland aujourd'hui. Ce qui est intéressant à propos de ces proportions corporelles observées chez les Néandertaliens, c'est qu'on les observe dès le jeune âge et dès la naissance. Hein. On a des squelettes de nouveau-nés de Néandertaliens, ici un petit Néandertalien de Dordogne, ici un Néandertalien russe. Et lorsqu'on étudie, comme nous l'avons fait il y a quelques années avec mon collègue, enfin l'année dernière, avec mon collègue Tim Weaver, un certain nombre de rapports, par exemple la largeur du bassin par rapport à la longueur des membres, eh bien on voit que nos Néandertaliens sont décalés par rapport aux distributions modernes de nouveau-nés, que ce soit des nouveau-nés africains ou des nouveau-nés américains d'origine européenne. Donc, ce qui nous dit aussi que ces Néandertaliens, dans le fond, ces proportions, eh bien, elles sont programmées génétiquement, et c'est pas seulement l'effet de l'environnement, parce que l'environnement joue aussi pendant la croissance sur les proportions corporelles. Dernier point à propos de l'adaptation climatique des Néandertaliens, on a beaucoup parlé d'adaptation de la face, des sinus, de la cavité nasale. Alors ce qui est vrai, c'est que la cavité nasale, c'est quelque chose qui varie avec le climat dans les populations actuelles, et donc il y a une variation depuis les climats tropicaux, surtout tropicaux chauds, on a des cavités nasales qui sont plutôt larges et basses. Et puis quand on monte en latitude, surtout dans les climats très froids, eh bien, il y a une tendance à avoir des cavités nasales qui deviennent de plus en plus étroites. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est important, quand on inspire de l'air froid, eh bien, que cet air soit soumis à une une turbulence importante pour être réchauffé par les muqueuses qui se trouvent à l'intérieur de la cavité nasale et de pouvoir être inspiré sans trop de dommages. Alors cette morphologie nasale a fait couler beaucoup d'encre en ce qui concerne les Néandertaliens. Pourquoi ? Eh bien parce que les Néandertaliens, justement, n'ont pas spécialement un nez étroit, ils ont plutôt un nez très large. Voilà un crâne d'un Néandertalien du sud-ouest de la France, l'homme de la Ferracie. Quand je dis l'homme, je veux dire l'individu mâle de la Ferracie. Vous voyez qu'il a cette énorme cavité nasale qui est très large, non seulement à la base, mais surtout, ce qui est assez inhabituel chez des hommes, qui est élargi dans sa partie supérieure. Et donc ça, c'est quelque chose qui colle pas très bien avec ce que l'on attend, dans le fond, du point de vue anatomique. Alors, la question a été pas mal creusée, si je peux dire, et on s'est rendu compte qu'en fait, à l'intérieur de la cavité nasale des Néandertaliens, eh bien, il y a ces protubérances osseuses qui, juste après l'entrée de la cavité nasale, dans le fond, réduisent la largeur de la cavité nasale et, dans le fond, recréent des conditions qui sont un peu comparables à celles qu'on trouve chez des populations qui vivent dans des climats plus froids aujourd'hui, en créant ces turbulences. Et c'est vrai aussi pour la taille et la forme des sinus maxillaires. On pense que tous ces caractères de grande largeur de la cavité nasale ou de présence de grands sinus maxillaires ou frontaux sont des caractères qui tiennent plus à la façon dont se développe et dont a évolué la face des Néandertaliens qu'à des adaptations climatiques elles-mêmes, puisque, comme vous le voyez, c'est, si je peux dire, corrigé à l'intérieur par des additions comme celle-là. Donc, voilà nos Néandertaliens, si je peux dire, équipés pour vivre dans des climats plus froids. Maintenant, on se pose la question de savoir, du point de vue technique, eh bien, de quoi ces hommes néandertaliens, hommes modernes, ont pu disposer pour coloniser les latitudes plus élevées de l'Eurasie. Alors, dès qu'on a affaire à des hommes modernes qui vont arriver dans nos régions il y a environ 40 000 ans, eh bien, on voit assez vite se développer toute une série de comportements qui font que ces hommes modernes vont, eux, être capables de pénétrer beaucoup plus haut en latitude que ce que les Néandertaliens avaient fait avant eux. Et en particulier, on a des structures d'habitat assez compliquées. On pourrait faire un cours entier sur ces structures d'habitat qui ont été décrites dans le paléolithique supérieur, disons après 40 000 ans. Pour mémoire, je vous en montre deux qui sont très spectaculaires. L'une qui date de la fin du paléolithique supérieur, qui est cette espèce de temple, de tipi. Alors, on ne sait pas vraiment quelle forme ça avait, mais ce qu'on sait, c'est que c'était une structure circulaire, ouverte vers l'avant avec un foyer qui se trouvait devant l'ouverture. Et cette structure, elle a été décrite, ces structures, parce qu'on a trouvé toute une série, ont été décrites dans un gisement très célèbre qui s'appelle Pincevent, qui se trouve près de Montreux, donc pas très très loin de Paris, et où des chasseurs de rennes, il y a donc un peu plus de 12 000 ans, sont venus tous les ans, au début de l'été, jusque vers la fin de l'automne, début de l'hiver, et ont laissé ces campements avec non seulement des structures d'habitat, mais aussi des foyers très élaborés, des foyers construits qui sont beaucoup plus compliqués que tout ce qu'on a trouvé dans le paléolithique moyen avec les Néandertaliens. Dans le fond, dans le paléolithique moyen, on a des signes clairs d'utilisation du feu. Je vous l'ai dit, ça remonte à 400 000 au moins. Mais ce sont des structures qui sont généralement assez simples. Avec le paléolithique supérieur, on voit des structures beaucoup plus compliquées se développer. Et ces foyers ont toute une, si je peux dire, une histoire, une évolution qu'on peut suivre. Et on a étudié ça de façon très, très précise dans cette fouille de Pincevent qui a été menée par un de mes prédécesseurs au Collège de France, le professeur Leroy Gourand. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer aussi cette autre structure d'habitat construite par des hommes, encore une fois, de la fin du paléolithique supérieur. Alors cette fois-ci, on est en Ukraine. Et on a des constructions qui étaient probablement des huttes, alors avec une armature en bois et une couverture qui pouvait être en peau, quelque chose comme ça, mais dont le soubassement et une grande partie de la structure étaient faites d'ossements de mammouth ou de défenses de mammouth. Ce que vous voyez empilé ici, ce sont des mâchoires, des mandibules de mammouth. Donc il faut quelques mammouths hein, pour faire une hutte comme ça. Et on a trouvé plusieurs de ces constructions, en particulier en Ukraine. Alors, en Ukraine, on a décrit dans un site qui s'appelle Molodova 1, une construction comme ça, en tout cas des éléments d'une construction comme ça, qu'on attribue aux Néandertaliens. Alors, c'est quelque chose qui est, débattu. Tout le monde n'accepte pas cette interprétation. Le fait est que cette structure de Molodova 1, c'est un exemple unique, ou presque, de construction, de structure d'habitat laissée par des Néandertaliens. Alors, il y a tout un tas d'histoires de cabanes, de constructions trouvées dans du paléolithique moyen. Je ne citerai pas de gisements pour faire de la peine à personne, mais en fait, qui pour la plupart sont, je dirais, pas très convaincantes. C'est vraiment avec le paléolithique supérieur qu'on trouve ça. Alors maintenant, la possibilité que les Néandertaliens aient construit des choses comme ça, pourquoi pas? Et je vous rappelle qu'on a publié il y a quelques mois seulement, une structure découverte dans les profondeurs d'une grotte du Tarn-et-Garonne, dans un site qui s'appelle Bruniquel, et qui a été très bien daté. Et donc là, on n'a pas de doute, ce sont des Néandertaliens qui ont construit ça. Et c'est un espèce de cercle de fragments de stalactites qui ont été disposés de façon assez soigneuse. On ne sait pas trop pourquoi, d'ailleurs. Mais donc, si des Néandertaliens étaient capables de construire des choses comme ça, après tout, peut-être qu'ils étaient aussi capables de construire des cercles en mandibule de mammouth, s'ils en avaient. Mais le fait est qu'on n'a pas beaucoup d'exemples. Alors, regardons maintenant du côté des vêtements. Alors, je vous ramène à nos parasites. Alors, oublions le pouls du pubis et concentrons-nous sur le pouls de tête et la puce de vêtements. On a fait beaucoup de génétique sur ces animaux-là et on a une date de coalescence pour ces deux espèces qui est, disons, autour de 100 000 ans. Donc on a un âge à partir de l'ADN mitochondrial qui a été déterminé autour de 107 000 ans. Et puis, quand on prend l'ADN nucléaire dans son ensemble, enfin une grande partie, on a un âge qui est un peu plus, disons, une estimation qui est plus ouverte, quelque chose entre 80 et 170 000 ans. C'est intéressant parce que cette date, disons, autour de 100-120 000 ans, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est le moment où les hommes modernes sortent d'Afrique et où on commence à trouver des hommes modernes au Proche-Orient. Et puis on va en trouver ensuite dans d'autres parties de l'Eurasie. Et donc, il est probable que, j'allais dire, le vêtement est sorti avec l'homme moderne d'Afrique et qu'il est devenu quelque chose de très important pour ces populations. Alors, cette date d'apparition du vêtement, on parle de poux et de puces qui vivent sur des hommes actuels, donc des hommes modernes, hein. Alors, pose un petit peu problème, parce que qu'en est-il des Néandertaliens? Parce que nos Néandertaliens, eux, vivent dans des environnements assez froids depuis quelques centaines de milliers d'années. Et la question est de savoir si ils ont, eux, des vêtements et quel genre de vêtements ils ont. Donc, il est probable que, si on retient ces dates fondées sur la génétique des parasites, une des conclusions, c'est que probablement, en fait, les vêtements ont été inventés, j'allais dire plusieurs fois, en tout cas probablement, indépendamment, par des populations d'hommes modernes sortis d'Afrique, mais avant, par des populations archaïques comme les Néandertaliens ou les Denisoviens. Le fait est que dans les industries du paléolithique moyen, on trouve des outils en silex dont on pense qu'ils ont servi probablement à travailler la peau, au moins de façon assez simple. On a regardé la fréquence dans les sites archéologiques des espèces qui sont, j'allais dire, historiquement connues pour avoir été utilisées par des chasseurs-cueilleurs pour fabriquer des vêtements, pour l'exploitation de la peau et de la fourrure. Et là, c'est très intéressant parce que vous avez ici une liste de tout un tas d'animaux qui sont susceptibles de fournir une fourrure ou une peau qui est intéressante pour se protéger. Et on trouve des fréquences qui sont des fréquences très comparables dans les gisements moustériens et dans les gisements du paléolithique supérieur pour tout un tas d'espèces, alors des bovidés, des castoridés, des cervidés, des félidés, des suridés, des ursidés. Et l'idée, dans le fond, c'est que, comme les hommes modernes qui sont venus les remplacer, les Néandertaliens, eux aussi, ont utilisé ces espèces, probablement, pour exploiter la peau, en particulier pour les ursidés. On a des traces de découpe sur des phalanges qui semblent montrer que ces animaux ont été dépouillés pour enlever la fourrure. Mais il y a une différence, et la différence, ce sont ces petits animaux, des canidés, des léporidés et des mustélidés, pour lesquels, là, on trouve une différence assez nette de fréquence entre les gisements du paléolithique supérieur et les gisements du paléolithique moyen laissé par les Néandertaliens. La façon dont cela est interprété, eh bien, c'est en pensant que ces espèces, et encore une fois, c'est quelque chose qui est documenté sur le plan ethnographique, sont des espèces dont les chasseurs-cueilleurs exploitent la fourrure pour fabriquer en fait des doublures de vêtements chauds pour les climats très froids. Donc l'utilisation de ces espèces-là suppose qu'on ait déjà, si je peux dire, des vêtements fabriqués en peau avec des espèces plus communes, et on va doubler à l'intérieur ces vêtements pour vraiment obtenir une isolation thermique maximum, et ça, c'est probablement quelque chose qui se développe essentiellement dans le paléolithique supérieur avec les hommes modernes. Alors cela étant dit, on pense que quand même, les Néandertaliens donc travaillent la peau, et on sait que des hommes, même des hommes modernes, peuvent être exposés à des climats relativement froids et survivre avec une forme de vêtement qui est une forme extrêmement fruste, comme ces Indiens de la Terre de Feu qui, quand on les a découverts, utilisaient comme unique vêtement des capes qui étaient faites en fourrure de guanaco, qui est la version sauvage du lama, avant domestication, et qui est une cape qu'on trouve, enfin, dont chaque individu dispose pour se protéger du vent et du froid, dans un climat qui est quand même assez extrême, à la pointe sud extrême de l'Amérique du Sud. Vous voyez ces jeunes filles qui montrent leur peinture rituelle, eh bien, ce qu'il y a derrière, c'est de la neige. Donc on a des populations modernes qui sont quand même capables de s'adapter à des climats relativement frais. Donc on peut très bien imaginer que nos Néandertaliens, au minimum, avaient ce genre d'équipement compte tenu des outillages dont ils disposaient pour les produire. Alors avec le paléolithique supérieur, là, on rentre dans un monde complètement différent, puisqu'on va voir se développer une grande quantité d'outils qui sont des outils spécialisés pour le travail de la peau, de la fourrure, en particulier une abondance de petits perçoirs en silex, donc qui permettent de faire des petits trous dans le cuir pour le coudre, quelque chose d'équivalent en os, des poinçons, une grande abondance dès les premières industries du paléolithique supérieur. Alors dans le paléolithique moyen, on a quelques os qui ont été appointés, qui ont été polis, mais rien d'aussi sophistiqué, d'aussi fin. Donc probablement, s'il y a percement de peau chez les Néandertaliens, on ne pense pas qu'il y ait des coutures très très compliquées. Donc ça rejoint un petit peu l'observation sur les espèces qui sont utilisées pour la fabrication de vêtements. Et puis alors, surtout, au moment du dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire au pic de froid, pendant une culture, si on peut appeler ça comme ça, que l'on a appelé le solutréen, qui correspond au maximum de froid il y a environ 18 000 ans dans nos régions, eh bien, on va voir apparaître les premières aiguilles à chat, avec une extrémité percée qui permet de passer un fil à l'intérieur. Et ça, c'est probablement une des inventions les plus importantes, de l'humanité, parce que ces aiguilles à chat vont permettre de produire, avec toutes les fourrures dont on a parlé, des vêtements d'une complexité qui n'a jamais été observée jusqu'à présent. Et assez vite, dans le Poétique supérieur, on va voir les hommes coloniser des régions très très élevées en latitude. Il y a un peu plus de 30 000 ans, on a déjà des hommes qui vivent sur les bords de la mer Arctique, en Sibérie, près de la Yakoutie. Hein, donc on est vraiment dans l'extrême. Et ces hommes sont allés dans des régions que les Néandertaliens n'avaient pas fréquentées jusque-là. Et ils y sont allés grâce à toute une panoplie technique, et en particulier une panoplie de vêtements. Cette reconstitution, qui est faite par un artiste tchèque, se fonde sur les restes découverts dans des sépultures du site de Sungir, qui est un site de la région de Moscou, en Russie. Donc, vous voyez, on est déjà très haut en latitude, avec des climats qui sont des climats plus rigoureux qu'aujourd'hui. Et donc, dans ces sépultures, on a découvert plusieurs individus. Alors, évidemment, on n'a pas retrouvé leurs vêtements, mais on a retrouvé une grande quantité de perles, de petites dents de renard polaire, qui, de par leur disposition autour du squelette, suggèrent qu'elles étaient cousues sur des vêtements. Et on a même essayé de reconstituer ce que pouvait être le pantalon de ce chasseur de Sungir. Donc une production maintenant de vêtements, évidemment, qui est quelque chose qui est tout à fait comparable à ce qu'on trouve dans les populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent aujourd'hui dans des régions très froides. Pour finir, je voulais vous montrer aussi ces petites statuettes qui viennent de gisements du Paléolithique supérieur de Sibérie. Vous connaissez tous les fameuses Vénus gravétiennes, les fameuses Vénus préhistoriques. Vous voyez, celles-là, elles sont beaucoup plus longilignes, hein, sont beaucoup moins arrondies que celles qu'on a l'habitude de voir. Ce qui est remarquable, c'est que presque toutes portent une espèce de petite capuche. Et quand on regarde sous le microscope, en détail, la surface de ces statuettes de femmes, eh bien, on y voit tout un tas de lignes qui suggèrent qu'elles portent des vêtements, qui sont des vêtements assez compliqués. On a même suggéré que certaines portaient des paniers, des berceaux, des choses comme ça. Donc les chercheurs russes de Saint-Pétersbourg ont étudié très très en détail ces statuettes. Et donc on a, grâce à la technologie, grâce aux vêtements, grâce à l'aiguille à coudre, on a fini par être capable de conquérir toute la planète et de vaincre le froid après avoir vaincu la chaleur. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 21 novembre 2017 le cours de Jean-Jacques Hublin, Traits de vie et contraintes énergétiques au cours de l'évolution humaine. Aujourd'hui, la thermorégulation, s'adapter au froid. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2017 sous le titre « Biologie de la culture, paléanthropologie du genre homo ». Et avec Bernard Sêtre, il a publié « Quand d'autres hommes peuplaient la Terre, nouveau regard sur nos origines » chez Flammarion en 2008. Un grand merci à Virginie Chauvetet et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Demain, nous achèverons en compagnie de Jean-Jacques Hublin sa grande exploration des relations entre énergie et évolution humaine. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.